Matador, Bombata Crew, Track Invaders, Marseille, Marseille. Que choisir entre la fac et les braquages de Brinks? L'État veut nous trouer comme les Stan Smith de Jacques Mesrin. Au contraire de David Douillet, Bernadette, pas là pour récolter des pièges jaunes. On s'embrale de 50 Cent. Petit, n'insulte pas trop ta prof en cours. Avec le QI de Van Damme, tu croiseras que des Rocancourt. En 407 taxi comme Samina Seri, je démarre au quart de tour pour faire péter tous les radars des alentours. À force de tissu de mensonges, après son quinquennat, le président pourra se convertir en marchand tapis. Les temps changent, Cassius Clay est devenu Mohamed Ali. Uber est passé de la haine à plus belle la vie. Et beaucoup rêvent d'être Tony avec un parcours sanglant. Al Pacino dans sa villa d'Hollywood s'embranle. La merde sous les smells, c'est trop souvent la même scène. Certains ont le pack de Henneken pendant que chat sur MSN. Jeunesse des quatre coins de France, nord, sud, est, ouest. Besoin d'espèces, génération wesh wesh. Représente pour les notes. Quand ça fait bon, bon, la foule fout le désordre. Jeunesse des quatre coins de France, nord, sud, est, ouest. Besoin d'espèces, génération wesh wesh, wesh wesh. Représente pour les notes. Quand ça fait bon, fini comme des gamins de l'ombre après Lando. Ils font la caille comme Alain Delon ou Belmondo. 7 sur 7, les flics te surveillent. La juge est sur d'elle. Si elle suspecte et que t'as une grande gueule comme le croco de ton survêt. On veut être boss pour la secrétaire de Bill Clinton. Avec le pool 4 étoiles de Paris Hilton. Chez nous, c'est Rio Smoule. Notre bonheur est moins visible qu'un tatouage sur la peau de Mousse Diouf. Attaché avec des menottes, j'utilise les crocs pour arracher les strings et le kiff de Julie Lescaut. Il faut une caisse qui fasse Marron et Dominique. Pouvoir mettre le turbo à M6 pour l'escapade. Au contraire de Diana sous le pont de l'Allemagne, on aimerait voir le bout du tunnel. Les voisins cassent les couilles quand ils écoutent Bruel. Avant que ma rue explose, déconne, je recherche l'or, les sommes, le taf des forces de l'ordre des hommes. Jeunesse des quatre coins de France, nord, sud, est, ouest. Besoin d'espèces, génération wesh wesh. Représente pour les notes. Quand ça fait bon, bon, la foule fout le désordre. Jeunesse des quatre coins de France, nord, sud, est, ouest. Génération wesh wesh, représente pour les notes. Quand ça fait bon, bon, la foule fout le désordre. La télé n'apprend rien devant ce triste panorama. Dans une piscine, on se verrait mettre nageur pour l'Oana. Mais des gosses à l'abri de nos jours, c'est pas Happy Days. Hardcore comme Michael Jackson et du trou à Walt Disney. Les apprentis pickpocket deviennent braqueurs à la roquette. Nostalgie de l'époque, la main sur le volant avec la moquette. En temps de paix, la diplomatie se résout à faire la guerre. Certains s'identifient à Massoud, d'autres Ben Laden. Un deuxième 11 septembre avec des images d'horreur. Et Jacques Bauer fera la queue comme nous à Manpower. C'est le bordel au fond de la classe, on est vite paumé. Trop marginal comme McDonald's, sponsorise pauvre. Mauvaise graine se met en France, la terre n'est plus fertile. Le vol, le poing en l'air, tous fiers comme Martin Luther King. On a tous peur d'être levé au champ du cocorico. Nos cheveux blanchis s'étendent comme ceux de Barthez ou Obispo. Jeunesse des quatre coins de France, nord, sud, est.